Quatrième journée, 28 mars. Au stade, ce jour-là, ont lieu les jeux gymnastiques. À 2h30, le clairon annonce l'arrivée de la famille royale et du roi de Serbie. Les musiques exécutent l'hymne royal de Grèce et celui de Serbie. Les spectateurs, debout, acclament les deux souverains. Aussitôt, conformément au programme, toutes les musiques civiles et militaires, sous les ordres de M. Caïsari, chef de musique de la place d'Athènes, enlèvent avec une indicible maestria la cantate des Jeux Olympiques, composée par M. Samaras. Elle est applaudie comme elle l'a été à l'ouverture des Jeux. Les spectateurs demandent que l'exécution en soit répétée et l'applaudissent avec plus d'enthousiasme encore. Après quoi commencent les Jeux. Barres parallèles. Trois équipes pour les barres parallèles profondes, celle de l'Association nationale d'Athènes, celle de l'Association panhellénique et l'équipe allemande. Les équipes grecques se composent d'un plus grand nombre de membres et ont plus de grâce, plus de naturel dans l'ensemble des mouvements. Chacun de leurs exercices soulève un tonnerre d'applaudissements. Les premiers sont sous la direction de M. Chrysaphis, les seconds sous celle de M. Athanasopoulos. Tous portent le même costume, flanelle bleue et caleçon blanc. L'équipe allemande se compose de 10 gymnastes. Ils portent une tunique blanche et des caleçons noirs. Ils exécutent leurs exercices avec beaucoup de régularité sous la direction de M. Hoffmann, et l'on voit de prime abord qu'ils sont beaucoup plus expérimentés. L'équipe allemande remporte le prix. On arbore le pavillon allemand, qui est salué par des applaudissements unanimes. Barre fixe. Les musiques se font entendre pendant l'entracte. L'équipe allemande figure seule dans ce concours. Elle exécute les exercices avec une régularité parfaite, au milieu des applaudissements qui redoublent lorsqu'on arbore de nouveau le pavillon allemand. Saut à cheval. À ce concours prennent part 17 champions. Les Hongrois ainsi que le Suisse M. Zutter font preuve de beaucoup d'agilité et d'adresse, mais un Allemand, M. Schumann, obtient le prix. C'est un athlète de petite taille, mais solide et nerveux, qui devient tout de suite très populaire. On arbore de nouveau le pavillon allemand, qui est salué par d'unanimes applaudissements. Saut à cheval avec anneau. Les mêmes champions prennent part à ce concours. Le Suisse, M. Zutter, y déploie une agilité merveilleuse et remporte le prix. Le pavillon de la Confédération helvétique est hissé au haut du mât. Anneau. Ce concours réservait une agréable surprise aux spectateurs. 12 champions y prennent part, dont 2 Hélènes, M. Persakis et M. Mitropoulos, membres de l'Association nationale de gymnastique. Tous les deux font preuve d'une très grande capacité, le second surtout, jeune homme d'un extérieur fort sympathique, qui est déclaré vainqueur. Avant que le résultat ait été porté à la connaissance du public, un membre du jury, saisi d'enthousiasme, s'écrie « Vive la Grèce !» Quelques instants après, le numéro matricule du vainqueur est inscrit sur le mât au duquel est arboré le pavillon hellénique. C'est le premier Hélène qui remporte une victoire dans le stade. Aussi, l'enthousiasme devient-il indescriptible. Les yeux s'humectent de larmes, les chapeaux sont lancés en l'air, les mouchoirs s'agitent de toutes parts, les acclamations prolongées et les interminables applaudissements dont la famille royale donne le signal forment un tohu-bohu indescriptible. La foule s'écoule peu à peu. Tous sont satisfaits de cette journée dans laquelle 3 Hélènes ont été proclamés olympioniques.